sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah. Tous les matins quand moi j'ouvre les yeux, je lève mes mains et mon cœur vers les cieux. Je chante mon bassin pour glorifier mon Dieu. Et je ne crains rien car en Jésus tout va bien. Car la vie est dans le sang. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi. Et le sang de Jésus. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi. Mon cœur est rempli de joie à chaque instant. Car tout ce que je suis est pour le Dieu vivant. Sa parole dit rejouissez-vous en tout temps. De lundi à dimanche en proclamant. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Alléluia. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Qu'une alliance de le sang. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Quand je regarde mes pieds, oh qu'ils sont beaux, pour que je repente avec zèle le biblio. Il faut que je garde avec soin son troupeau. L'esprit me recommande de compter sur le Très-Haut. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Mon refuge, mon rocher. Roi de